Alors, à ce moment-là, si on s'intéresse davantage à ce qui se passe autour de nous, on va savoir qu'il y a une petite... Quand je dis petite bonne femme, moi, c'est amoureux, hein, c'est pas péjoratif du tout. Oui, oui. Quand il y a une petite bonne femme qui est tout seule avec un ou deux jeunes gars, bien sûr, elle peut avoir beaucoup de difficultés. Et c'est là où il faut regarder autour de soi puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Alors, s'agissant de la tuerie de Newton, ce serait la première réaction que j'aurais. Sinon, on dit souvent, j'ai entendu beaucoup, bah, les armes à feu aux États-Unis. Bah oui, c'est, je t'amenais là-dessus. C'est le lobby, des armes à feu qui fait que il y a tant d'armes à feu. D'abord, le lobby, je suis pas en train de justifier là, les armes d'assaut et puis tout ça, pas du tout. Il y a quand même un questionnement posé sur le fait d'acheter une mitraillette de militaire. C'est très douteux. Mais ce à quoi je vais en arriver, c'est ceci. Le lobby des armes à feu, il se vend à peu près pour 3 milliards d'armes à feu par année aux États-Unis. Mais 3 milliards aux États-Unis, c'est moins que rien. C'est une brindille. Comparé aux cigarettes ou à n'importe quoi d'autre. Ouais. C'est tellement insignifiant. Pensez seulement à, je sais pas, moi, Steve Jobs, à Apple et puis tout ça. On est rendu dans les 1 000 milliards. Bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est pas le lobby. Selon moi, c'est pas le lobby des armes à feu qui est au cœur de tout ça, du côté américain. C'est la culture américaine. Il faut savoir que c'est dans la Constitution, le droit de porter une arme. C'est le deuxième amendement, d'ailleurs. Bon. Et c'est pas pour rien, je veux dire. Il faut savoir quand même que il faut pas prendre les Américains pour 300 millions d'abrutis, là. Vraiment, ils ont les meilleures universités, ils sont les meilleurs dans plein de domaines. Et d'ailleurs, leur constitution, je vous fais remarquer, il faudrait qu'on en parle davantage. C'est génial comme constitution, la balance des pouvoirs, hein. Ils font pas comme les Français. Les Français, eux, ils s'amènent un nouveau président et puis ils vont changer de constitution. Ils en sont à leur cinquième constitution, le cinquième, ils appellent ça la cinquième république. Ouais, hein. Ouais. Alors, changer de constitution, quand ça fait notre affaire, quand un président veut la modeler sur sa personnalité, ça va pas du tout. Alors, bref, la constitution américaine, il faut se souvenir que c'est le modèle incontournable s'agissant d'organiser un État. Et alors, ils ont inclus là-dedans le droit constitutionnel de porter une arme. Et c'est reçu par les Américains. Et ça participe précisément de leur du fait qu'ils valorisent tellement les droits individuels que pour eux, l'État ne peut pas tout régler, qu'on doit assumer nos responsabilités. Je suis pas en train de dire qu'ils ont raison sur toute la ligne, mais je suis en train d'expliquer pourquoi pour eux c'est tellement important. Il faut savoir aussi que leur histoire, il faut lire un peu sur l'histoire américaine, hein, la conquête de l'Ouest et tout le bazar. Bon. Ça s'est passé à coup de fusil. Bon. Alors c'est tout ça. C'est pas une petite société tissé serré, tout le monde parle la même langue et tout ça. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on vient de partout, on est venu de partout aux États-Unis, hein. Alors, ce sont les Nations Unies avant le temps, les États-Unis.